Et bonjour auditeurs des Radio Gémozo, j'espère que tout va bien pour toi. Nous sommes lundi 19 avril, il est midi une très précisément. Et comme tous les lundis à la même heure, eh bien je suis ravie de t'accueillir dans mon émission L'Odeur du Son. Et quel en est le programme? Eh bien comme toujours, je vais te passer quelques infos locales, te jouer mes disques chouchous et tu entendras l'ami Big V et son slam enflammé. La pochette surprise fera sa première aujourd'hui et maintenant, eh bien l'essentiel. J'ai la grande joie de recevoir Dominique Lambert pour un moment délicieux. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Bonjour, ouais, ça va. Comme un lundi. C'est un bon lundi pour nous grâce à toi. Un moment délicieux, eh bien c'est peu dire. Tu es chef cuisinier itinérant au service des saveurs. Tout un programme quand même. Hein? Oui. Au service des saveurs, oui, effectivement, on essaie d'utiliser les produits et garder leur goût et leur texture. Ouais, génial. Alors, on te retrouve sous l'intitulé La gastronomie à Dom. Alors, direct, la première question, comment tu préfères, qu'est-ce que tu préfères, Dominique, Dom? Dom, c'est bien? Ah, bah, ça tombe bien, parce que j'avais écrit toute l'émission comme ça, merci. Ta particularité, tu cuisines pour les gens, mais surtout devant eux, comme en ce moment même, on a la grande chance, auditeur, j'espère que tu nous as suivis sur les réseaux, que Dom, voilà, nous prépare, eh bien, une recette de folie, ça sent tellement bon aujourd'hui, mon émission prend tellement tout son sens, l'odeur du son, eh bien, grâce à toi, Dom, ça sent vraiment très très bon ici. Tu nous en dis plus sur la recette, histoire de faire saliver nos auditeurs? Alors, je suis venu avec deux plats différents. Mmh. Ouais. Le premier, c'est une dorade. D'accord. Au vermicelle de riz, avec des petits légumes du moment, cuits à l'eau. Ouais. Deuxième, c'est une lasagne au CBD. D'accord. Donc, elle est végétarienne. Ouais. Comme je travaille beaucoup avec la broussette. Donc c'est pour ça, j'essaie de travailler ces produits de différentes façons. Carrément. Voilà. J'ai toujours utilisé un petit peu les produits du coin. Voilà, ouais, exactement. Super. Et donc là on a ça, on a deux desserts aussi. Ouais. On a un dessert, c'est le brownies 3 chocolats. Ah oh là là. Donc en fait c'est du brownies qui est fait avec chocolat, amandes en poudre. Ouais. Et c'est monté à la, c'est des ganaches montées en fait, chocolat blanc, chocolat au lait. Ouais. Et chocolat noir. On a ça, on a un deuxième dessert. C'est une veau juitreuse parce qu'en fait, c'est utilisé avec des produits qui viennent vraiment de la région. Ouais. Donc, on a du miel de Georges Préder. On a des drèches qui viennent de Lapin Bêche à Vanier, la brasserie. Et une veau juitreuse, pareil, CBD, Clément Labroussette. Super. Eh ben, tu vas nous en dire plus sur tous ces produits, etc., etc. En fait, tu nous as dressé ça tellement bien. Moi, j'ai le vent qui gargouille, je te dis. Alors, tu t'as fignolé la cuisson là, mais t'avais déjà quand même préparé en amont. Alors, j'adore le petit bruit de, tu sais, de la cuillère dans le plat, c'est tellement bien. Non, c'est génial, continue surtout. Donc, t'avais déjà préparé un petit peu en amont, là, t'as fignolé, t'as fait les cuissons de dernière minute, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai déjà découpé mes légumes, je les ai cuits. Déjà à l'eau dans un premier temps. Ouais. Et puis là, il me reste plus que le poisson à cuire. Super. Voilà. La lasagne, je l'ai déjà faite avant parce que la sauce tomate, je l'ai fait 24 heures. Alors, forcément, je suis pas venu hier. Oui. Donc, j'ai dû le faire avant. Et puis, comme ici, niveau four, je me suis dit, ça risque d'être compliqué. Donc, le dessert, je l'ai préparé avant aussi. Ok, super. Alors, tu cuisines chez les gens, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu avais déjà cuisiné dans un studio radio? Non. Non, c'est la première fois. Ah ben c'est super. Moi, mais bon, je suis après, on a le matériel pour aller un peu n'importe s'adapte. Où. Donc, on essaie de s'adapter. Le matériel, il est portatif. T'emmènes toujours ton petit matériel chez les gens quand tu t'en vas. Presque toujours. Ouais. Presque. Tout dépend ce qu'on peut trouver sur place. Mais il faut toujours garder un petit peu une roue de secours, comme on dit. Toujours avoir une sécurité. Comme ça, on peut pallier à pas mal de situations. Super. Et puis aussi parce que je fais des marchés. Ah, on en parlera. On en parlera. Je suis tellement ravie, auditeur, si tu savais, d'accueillir Dom aujourd'hui. En plus, il a les cheveux de toutes les couleurs. Moi, ça m'a donné une patate quand il a enlevé son bonnet. Waouh. Alors, depuis quand, comment et pourquoi on écoutera toutes tes confidences, Dom, juste après ce premier son? Et ce premier son, eh bien, c'est Galore de l'artiste Ouklou. Pour la petite anecdote, eh bien, Ouklou, de son vrai nom, Marie-Lou Méniel, est une musicienne, chanteuse, autrice, compositrice, interprète, française née à Poitiers. Elle est également l'actrice principale d'un des trois courts-métrages du programme Ultra Rêve, qui est sélectionné par plusieurs festivals tels que la Semaine de la Critique du Festival de Cannes. Elle a grandi dans la campagne de l'Ouest de la France, où elle a notamment reçu un enseignement plutôt classique, piano-violoncelle, avant de s'installer à Paris puis à Londres. Elle utilise maintenant dans ses sons des boîtes à rythme, des synthés, des sons d'ambiance. Moi, je kiffe, je surkiffe. Et j'ai envie de souligner que l'un de ses singles, Entertainment, a été produit avec Muramasa, que j'apprécie énormément, pour cause le générique de La Bulle de l'IA. On écoute Ouklou, un vrai coup de cœur, et son titre Gaylor. C'est le moment de chill sur Radio Gémozo. Bien sur Radio Gémozo. Merci auditeur d'être avec nous. Je suis très bien accompagnée aujourd'hui. Merci beaucoup Dom d'être présent aujourd'hui. Alors une petite info locale en passant, la compagnie des Jolis Mômes, compagnie théâtrale, vous propose d'étancher votre soif tout en faisant une bonne action écologique incroyable. Ils nous expliquent que lors de leurs différentes représentations, ils proposent différents produits dérivés à la vente. Malheureusement, cette année passée, ils ont peu joué et il leur reste un gros stock d'Elsa's Cola qui arrive à date de péremption le 27 mai. Ces 181 bouteilles sont comme un rappel brutal de l'année écoulée, de ce qu'ils n'ont pas fait, de ce que vous n'avez pas vu. Pour ne pas avoir à jeter cette sympathique boisson de nos voisins par-delà les montagnes vosgiennes, ils vous proposent de récupérer ces bouteilles, quelle que soit la quantité, et ce, à prix libre. Il suffit de passer à leur bureau entre 9h et 17h du lundi au vendredi à la Maison des Associations à Épinal, ou de leur écrire pour trouver un point de rendez-vous. contact@compagniedesjolimomes.fr. Une petite recette au coca, Dom, ça t'est déjà arrivé? Au coca, ouais. Ouais. Carrément, oui. J'ai utilisé une plante qui sent le coca. Ouais. Donc après, il y a possibilité de faire. Génial. C'est quoi les produits que t'adores cuisiner? Je cuisine un peu tout parce que, en fait, je m'adapte au client. Ouais. Je lui demande déjà ce qu'il veut manger. Et puis, suite à ça, je l'aide pour faire construire son menu. Donc, je cuisine un peu tout, un peu de cuisine du monde. Je m'amuse beaucoup en pâtisserie. Ouais. Et puis, des petites créations revisitées. J'aime bien revisiter aussi. C'est quoi, par exemple, le plat que tu as revisité, un plat traditionnel que tu as revisité Là, comme ça, tout de suite, je dirais plus un dessert. Ouais. Plus l'After Eight. L'After Eight. L'After Eight, parce que quand j'étais petit, j'allais chez ma grand-mère, elle sortait les After Eight pour le café. D'accord. Je me suis dit, on peut faire autre chose que de manger juste un petit gâteau. Donc, j'essaie de prendre du Jet 27 pour faire de la menthe. D'accord. Avec chocolat blanc, chocolat noir. Je le dresse au lingot. On peut le trouver sur mon site internet, normalement. Génial. Alors, ton site internet, c'est www.lagastronomieadom? Oui, presque. Ah, tu sais plus, on va retrouver ça, t'inquiète pas, on va retrouver ça. C'est la gastronomie, mais de toute façon, on peut le trouver facilement, on tape la gastronomie Adam sur Google. Voilà, tout à fait. Et puis on le trouve facilement. Ouais, on te retrouve sur Facebook aussi. Je crois que c'est Itbut. Ouais, lagastronomieadam.itbut.com. Voilà, ça, vous aurez plein de photos qui donnent bien envie. Et voilà, ça sent bon la dorade là, hein, quand même, hein. T'en es où dans ta cuisson? J'en suis qu'elles sont cuites. Ah, génial. Je te propose qu'on se lance un son, le son que t'as choisi tout à l'heure, la secte phonétique avec Bienvenue dans la secte, histoire de fignoler ce dressage, qu'on puisse quand même goûter ça. Et on se retrouve juste après. Je te souhaite encore un bon appétit, auditeur. J'espère que tu te régaleras comme nous. Allez, à tout de suite. Sur les murs de vos tympans, donc oyez, oyez, brave. J'envoyais l'étrange contingent de ceux qui hurlent avec les dents. C'est la secte phonétique, hystérique comme à Paris. La nuit brise dans le silence, les sirènes de la République. Pas de trip apocalyptique, on ne se plie qu'aux tortures poétiques. Fétichiste amoureux de la langue bouleuse par grand vent. Langoureux et goulue quand le temps est changeant. En guerre contre la bêtise, contre l'analphabétisme qui paralyse et réprime les énergies créatives. Pas de mythes épiques ni de livres dictant l'art de vivre, mais un disque disponible, accessible à tout esprit libre. Danser, fleuve pour draguer. attaquer des piranhas. Plus flippante que Fantomas. Il a dû boire toute l'eau d'un lac. Chercher des œufs sur l'île de Pâques. Fermer les yeux face aux cieux dans l'espoir facétieux de recevoir une bise ou une claque. Attraper la jaunisse, la lèpre, la chaude, pisse la peste. Et mater les téléfilms suisses à Budapest. Ainsi à libérer des instincts primaires emmurés dans sa chair sans suer de sang sincèrement sans se censurer. Très compétent, hypocampétent, encore vivant, est enivrant, te délivrant vite. Il fait désormais partie de la secte phonétique. Dites merci pour ce récit de son parcours initiatique. La secte phonétique avec ce titre. Bienvenue dans la secte spécialement et bien choisie par Dom, mon invité d'aujourd'hui. Dom, un homme pas comme les autres. Dom est chef cuisinier à domicile surtout, mais pas que. On va en parler tout au long de cette émission. Ça y est, t'es installé, t'es bien? Ouais, ça va. Ah ben super. Les garçons, ils sont en train de se régaler avec le plat que tu nous as préparé aujourd'hui. Alors, on va faire un petit tour vers ton parcours. Quand es-tu tombé dans la grande marmite de la cuisine, Dom? Ça, c'est une bonne question. Non, je suis tombé dans la cuisine. J'ai commencé par pâtisserie. Ouais. À 16 ans. Ok. Donc, apprentissage. Puis, en sortant, j'ai découvert la cuisine comme ça avec Franck Lapôtre. Ah, ok. À l'époque, il avait la station d'essence à Épinal. D'accord. Donc, c'est monsieur Younes Essabane qui est au casino de Plombières. Ouais. Qui m'a initié. Et puis, ça m'a donné envie de faire un apprentissage. Donc, apprentissage cuisine. Grand hôtel de Gérardmer. Ah ouais, quand même. Attention, c'est réputé, ça. Hein. Et puis après, je suis parti un petit peu découvrir à droite et à gauche, un petit peu découvrir la cuisine et puis me faire aussi une façon de cuisiner. Oui, trouver ton style, quoi, un petit voilà, peu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est à force de rencontrer des chefs qui m'ont fait découvrir la cuisine un petit peu plus que cuire des pâtes, en fait. Mais est-ce que tu étais passionné dès ton plus jeune âge? Genre, voilà, tu t'es toujours dit qu'un jour tu deviendrais un chef cuisinier? Non, j'étais plus pâtisserie. Ouais, tu voulais vraiment plus de pâtisserie. J'ai ouais. découvert ça par la suite. Et puis après, voilà. Voilà. C'est parti comme ça, et puis c'est une passion. Ah bah, tu m'étonnes. J'imagine toujours, tu sais, quand je rencontre un chef, un enfant qui cuisinait avec sa maman, ses parents, ses grands-parents, c'était le cas pour toi? C'était le cas. J'étais une gardienne qui faisait beaucoup de gâteaux. Ah. Donc forcément, je suis tombée un peu dedans comme ça, plus jeune. Ok. Chez toi, le plat fétiche, c'était quoi quand t'étais enfant? Moi, mon dessert préféré, c'est la tarte aux pommes. Ah, super. Ah, la fameuse. Ça, c'est mon dessert préféré. Après, je mange un peu de tout, donc okay. Je suis ouvert. Mais le plat que quand t'étais enfant, c'était la tarte aux pommes, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Alors, quel cursus pour apprendre la cuisine? Tu viens de nous le dire, tu as commencé à faire un apprentissage. Comment ça s'est passé après tout ça? Tu as obtenu un diplôme, tu t'es lancé? Oui. Oui, j'ai obtenu un diplôme. Donc, pâtisserie en premier, cuisine ensuite. Ouais. J'étais pas trop école, ah. Donc j'ai choisi d'arrêter l'école après. Ok. Et puis de travailler directement, donc saison. Ouais. Première saison dans les Alpes. Ah oui. Oui, sur la Plagne. Donc là, vraiment pâtisserie. Et puis après, je suis allé un petit peu dans le sud, un petit peu dans le nord, un petit peu en Normandie, un petit peu à Paris aussi, pour découvrir la gastronomie. Super. Et rencontrer aussi d'autres personnes qui ont un autre parcours. Et le fait de discuter ensemble et mettre nos idées en commun, on peut faire de belles choses. Donc c'était ça l'idée. Génial. Et puis voilà, à force de rencontrer des chefs qui ont d'autres techniques, Ça me permet d'apprendre des choses et de grandir. Ouais. J'imagine toujours un peu, tu sais, ce métier très très speed, c'est quelque chose qu'il faut quand même assimiler, ce rythme de travail quand tu te lances avec des chefs et que voilà, t'es pas encore dans ton propre restaurant. Il y a quand même, c'est assez rythmé, non? En restaurant, bien sûr. Bon, ça va maintenant. Moi, tu vas à ton rythme. C'est différent. C'est génial, c'est ça. Mais un service, c'est toujours un peu speed, un petit peu stressant. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à sortir en même temps. Mais après, c'est une question d'organisation, on va dire. Ok. Faut quand même, ne pas avoir peur d'envoyer, quoi. Non, parce que le problème, c'est que vous attendez après. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors, il me semble que tu as travaillé avec des grands noms, tu nous en parlais tout à l'heure. Il y a eu d'autres personnes marquantes comme ça dans ta vie d'apprenti cuisinier qui... Marquantes, oui. David Faure. D'accord. David Faure à Nice, quand il avait le restaurant Aphrodite, qui n'est plus ouvert actuellement. Il y avait un macaron Michelin. À l'époque, donc pâtisserie chez lui. On faisait menu insectes beaucoup, dégustation d'insectes, grillons, beurre de farine. Il faisait, il fait toujours mais moléculaire, donc à domicile maintenant. Ah super. À l'azote. Et il m'a fait voir la cuisine autrement. Génial. Génial. C'est bien de rencontrer plein d'univers comme ça, complètement différents. Est-ce que tu arrives à mélanger tout ce qu'on t'a appris aujourd'hui dans ta façon de cuisiner, ou est-ce que tu as fait des choix? J'ai fait des choix, parce qu'il y a des choses que techniquement je ne peux pas faire. Mais j'essaye de toujours allier un petit peu une partie de ma vie dans la cuisine. Super. Alors, il est venu pour toi, Dom, le temps de passer à la casserole. Mais non, n'aie pas peur, surtout, je t'ai préparé un petit questionnaire, on veut tout savoir de toi. Alors, plutôt sucré ou salé? Sucré. Viande ou poisson? Viande. Raclette ou blanquette? Raclette. Légumes verts ou fruits rouges? Ah. T'as le droit à du cœur. Okay. Fruits rouges, mais les légumes de saison. Ok. Ouais. Café ou digestif? On peut pas faire les deux. Génial. Friture ou vapeur? Friture. Œuf à la coque ou au plat? Au plat. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Induction ou vitre céramique? Gaz. Merci Dom pour ces réponses. Je te propose une petite pause quand même bien méritée après tout cet afflux de questions là. C'est le moment où je sors mes disques chouchou. On va revenir bien entendu sur tout ton parcours. Est-ce que tu proposes aujourd'hui? On a fait un petit flashback, mais là on va s'installer dans l'instant présent. Alors c'est le moment de l'air qui va bien rester dans la tête avec l'artiste Mazego et en feat avec Don Toliver et leur titre Mystery Lady. Et ensuite on se mettra dans l'auto dance avec Dizzy's. Allez, à tout de suite. Hey, mais pourquoi quand t'es petit que c'est l'heure de goûter et qu'on me donne un gâteau? T'es tellement content que tu danses tout seul. Et pendant que tu le manges, tu fredonnes une chanson qui n'existe pas. Quel est le projet? J'ai déjà pensé à Motodead, c'était pas une good idea? Bah non, vous saviez pas, mais comment ça, qui vous l'a dit? Mais grâce à Dieu, je me suis auto-raisonné. Mon cœur a cherché et Tolstoy a raisonné. Pourtant j'étais désœuvré, les problèmes je les résolvais. Mais à dire vrai, les lovés qu'on me voulait, je pouvais pas les trouver. J'allais pas voler les lovés d'un autre comme un vieux youvoi. Celui que je vous vois voit tout, donc il allait tout voir. Je me suis auto-stoppé, j'ai fait de l'autopsie. Je me suis auto-soigné et Lord have mercy. On se disait encore des pâtes ce mois-ci. Mais crois-moi, c'est mieux qu'un plat moisi, gras moisi. Quand je regarde tout ça, maintenant je dis des auto-yes. Parfois je danse tout seul, je fais de l'auto-dance. Admettons que je sois fou, à moi tout seul, je suis une foule en liesse. En gros, le concept, je pratique l'auto-dance. Et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul. et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je suis là tout seul chez moi, je lâche des petits pas et je danse tout seul et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je pratique l'autodance comme un joueur de foot. C'est mieux que des actes manqués quand tu t'auto-loues ou quand tu te farras ta loue. Quand tu t'auto-croûtes, trop s'auto-ghetto comme les ghetto youth. Fut une période, je me faisais auto-pitié. J'ai mis ma vie sur la table et l'avenir m'a fait du pied. Autodidacte, j'ai fait mon auto-école. Ce que tu auto-sèmes, tu l'auto-récoltes. Et si tu t'auto-bloques, en fait tu t'auto-ségrègues. Si tu dis que c'est pas pour toi, tu t'auto-apartheid. Il faut varier sur soi, faire un auto-loto. Savoir s'écouter, se faire une auto-radio. Avec leur smartphone, ils se font des auto-photos. Je suis gardien de mon image, je suis un photomaton. Admettons que je sois fou, à moi tout seul, je suis une foule en liesse. En gros, le concept, je pratique l'auto-dance. Et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je suis là tout seul chez moi, je fais des bons petits pas et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Le morceau a de pige, il me fait toujours du bien comme un médicament. Osons un petit câlin, j'ai trucidé la honte. Je danse devant tout le monde et si tu danses avec ta mère, franchement t'es trop un bon. Je fais tout de suite des connexions quand j'aperçois le bonheur. Le peu de fois où il m'effleure, je sais qui est l'auteur. Et nier Dieu, autant me cracher dans un virage. Parce que cracher au ciel, c'est se cracher au visage. Ma mère m'a dit, tu sais, mon fils, ton disque est triste. Mais non, regarde maman, je danse, je fais l'imbécile. Comme quand j'étais petit, je suis là, je fais des blagues, des jeux de mots tout naze. Regarde, les gens aiment bien, n'aie pas honte et n'aie pas peur. Je vais très bien, c'est juste que j'ai grandi, c'est juste que j'ai compris. Pourquoi parfois tu pleurais dans le fond de la nuit. Et parfois moi aussi, tout au fond de mon lit. Alors, je me lève tout seul et tout seul comme un déjanté. Tout seul dans mon salon, je danse avec le monde entier. Je danse comme un indien, je suis Geronimo. Je danse comme un esclave, je danse comme un marron. Coincé dans la mine, je danse comme la flamme. Je danse comme les mots et les phrases de Germinal. Je danse comme John dans le meilleur des mondes. C'est les prophètes, les ascètes et les mères, meilleurs de l'homme. Et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je suis là tout seul chez moi, je fais des bons petits pas et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Fans and hoes, I like to give my fans a rose. Curse super talented. Everywhere I go, they wanna change clothes and pose. But my wife be in my dreams, bruh. No, I couldn't see you. I saw a silhouette. I know I can make a win. But when I wake up alone, no, no, I just break out the phone. I'd get too jealous. Could you be from the east or overseas? I learned my lesson. I'm way too western. Could you be my favorite ethnicity? I'm just undressing all of these sections of my dress. Think it too hard. Think it's too hard. But I really wanna live. Excusez-nous, on est en plein repas là, on est en pleine festivité. Merci pour la tomate crise, je la prendrai tout à l'heure. Vous venez d'écouter Mazego et ce titre que je kiffe tellement. Et je suis toujours avec mon invité aujourd'hui, Dom, qui nous a fait mais tellement plaisir, tellement salivé. La dorade était exquise. Merci bon, beaucoup. Bah, ça va. C'était très très réussi. Merci auditeur d'être à l'écoute. Tu es dans l'odeur du son. Tu es bien sûr Radio Gémozo et tu fais très très bien. Allez, je te file une grande info. L'isolement qui touche 13% des Français et les causes en sont multiples. Cette solitude peut avoir de grosses conséquences telles que la perte d'estime de soi, le désespoir ou la dépression. Avec la crise sanitaire, le nombre de personnes âgées isolées s'est accru. C'est dans ce contexte que la Fédération des associations ADMR des Vosges et la Ligue de l'enseignement des Vosges ont mis en place Monalisa Vosges, mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des âgés. Elle consiste principalement à la mise en relation par téléphone de bénévoles avec des personnes isolées afin de créer un lien maintenu le plus longtemps possible. Monalisa Vosges poursuit son développement. Avant de pérenniser le dispositif, plusieurs actions sont proposées à destination des bénévoles écoutants, comme des cycles de formation gratuites, des visioconférences à thème avec en invité des professionnels apportant leur expertise, distribution d'une petite gazette conviviale, etc. Pour s'inscrire aux formations, ça se passe sur formationmonalisa@gmail.com. En avril, ça sera le 28, en mai, le 10 et le 25, et en juin, le 4, le 14, le 28. Si vous êtes une personne isolée, ou que vous souhaitez devenir bénévole écoutant, eh bien un seul numéro, le 03 29 69 64 62. Vive la solidarité. Allez, on retourne à nos moutons, à nos casseroles, à nos fouets, à nos sauces, à nos dorades. La gastronomie de Dom, ça existe depuis 2015, il me semble. C'est ça. Ah, t'as vu, je me suis bien renseignée. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic ? À quel moment t'as eu envie, voilà, de créer ta propre entreprise, de travailler comme tu le fais aujourd'hui ? J'avais envie de proposer autre chose. Ouais. Autre chose, parce que je suis client avant tout. Et puis, j'avais vraiment envie de proposer d'autres goûts, d'autres saveurs. Donc, ça m'est arrivé de faire des dégustations dans des cadres extérieurs, du côté de Saint-Maurice, Bussan. Vraiment un peu partout, vu que je suis ambulant. Ben ouais, c'est super. Et offrir voilà un autre cadre aussi aux gens et puis d'autres saveurs. Super. Alors t'es présent sur différents marchés. Marché Cornimont-Saulxures, La Bresse normalement cet été. Ok. Une semaine sur deux, c'est-à-dire que cette semaine c'est Cornimont, ouais. C'est Saulxures pardon et c'est mercredi matin. Ouais, te trompe pas quoi, parce qu'il y en a qui vont être déçus. Et la carte elle change toutes les semaines. Ah génial. Donc j'essaie de la mettre un peu sur tous les réseaux. Ouais. Deux jours avant. Il faudrait bien que je fasse demain ou ce soir. Voilà. Bon courage. Alors t'es en mode food truck là sur les marchés ? Pas vraiment. En fait, je déplace des cuisines. J'ai pas de camion. Ok. Je déplace vraiment le matériel professionnel. Ouais. Donc sous une tonnelle, comme sur les marchés, comme celui qui vend les fruits et les légumes, avec un peu de gaz, un peu d'électricité. C'est du jamais vu, ça. Et ouais, faut aussi faire quelque chose que innovant. Qu'on ne voit pas forcément. Et puis il y a une autre proximité avec les gens. Ouais, carrément. Le but, c'est d'être au même niveau que le client, pas au-dessus, et de pouvoir communiquer pour qu'il sache vraiment ce qu'il mange. Parce que si j'utilise des produits qui viennent d'ici, c'est aussi pour que le client, faut qu'il le sache aussi. Et donc, ça permet aussi de communiquer un petit peu plus avec la clientèle. Super. Est-ce que tu vas piquer des fruits et des légumes dans les étals à côté ? Oui. Alors, la ferme aux hirondelles. Les endives. Voilà, c'est ça, à Thiéfosse. Donc, ce sera une fois par mois. J'y suis allé, donc c'est le deuxième samedi. Moi, j'y vais le deuxième samedi de chaque mois. Avec mon collègue Lapin Bêche, de la brasserie. Comme ça, j'essaye de faire aussi un menu qui va avec ses produits, parce que je travaille avec sa bière. Ouais. Et puis les drèches, comme je disais tout à l'heure. Oui. Alors, c'est quoi les drèches ? Explique à ceux qui savent pas. Alors, c'est ce qu'on récupère quand on brasse de la bière. Ok. C'est pas des levures, c'est des céréales. D'accord. Ok. Qu'on récupère, nous, on fait sécher. Et puis après, je les réutilise. On n'est pas obligé de les faire sécher. Mais pour la conservation, pardon, c'est plus facile. Ouais. Et puis après, on les utilise dans différents produits. Moi, beaucoup en dessert. Super. Super. Sinon, après, on peut le réutiliser un peu dans tout. Lui, à la brasserie, il fait des crackers. Pour l'apéritif. Donc, on vend la bière. Et puis, il a des petits sacs de crackers. C'est sympa. Et ça permet aussi de recycler. Ouais. Sinon, on peut le donner aussi aux animaux. Aux poules. Voilà, aux poules. On est à fond dans le produit local quand même, là, avec toi. Bon, on essaie. Ouais. On essaie. C'est le but aussi, parce que faut essayer de valoriser les produits locaux. Moi, j'ai grandi dans les Vosges, donc c'est aussi pour ça. Ah, bah ça s'entend pas, t'as de la chance. Alors, tu es également présent quand tu peux, donc j'espère bientôt pour toi, présent, et ben tu te déplaces chez les gens pour cuisiner chez c'est eux. Ça. Ouah, ça c'est tellement génial, enfin un chef à domicile, c'est le luxe quoi. Alors, c'est des plats demandés, c'est des plats que toi tu proposes, comment ça se passe quand tu te déplaces chez les gens ? Un peu les deux. Donc je pars de votre envie personnelle. Si vous avez envie de manger, je sais pas, poisson ou viande ou peu importe l'envie. Oui. Et puis après, je brode, je fais votre menu avec vous et j'essaie de vous apporter parce que vous savez pas forcément. Vous avez peut-être envie de manger de la viande, mais c'est tout. Vous savez pas si quel fromage vous voulez. Je vais vous faire des propositions pour les entrées, des desserts, des petits gros gâteaux. Et puis après, c'est à vous de trancher. Moi, je fais les propositions. On fait un menu ensemble. Donc c'est toujours prédéfini à l'avance, comme ça je sais aussi avec quoi je viens. Et puis je viens chez vous et je prends possession de votre cuisine. Et quand je repars aussi avec la vaisselle. Eh ben c'est ça, il faut le dire quand même. Je viens avec et je repars avec. Oh, wow, vous n'avez pas de vaisselle à faire. Vraiment, on est au restaurant mais chez soi quoi. Voilà. Wow. Ça permet de moins avoir les yeux sur les enfants quand ils sont au restaurant, qu'ils ont déjà mangé et qu'ils courent un peu dans la salle. Ouais. Au moins. Au moins là, on est tranquille. Voilà, on peut les coucher et toujours les surveiller. Un repas familial, un plat entre amoureux, voilà, les petites bougies et tout dans son univers, mais génial. Bravo pour cette très belle idée. Est-ce que t'as un grand panel? J'imagine tu cuisines aussi bien des plats traditionnels que voilà, tu laisses place aussi part à ton imagination. Il y a de tout ça dans ta cuisine. Oui, après je suis vraiment au service des gens, donc. Je fais pas forcément ce que j'ai envie de faire sur le moment, mais étant donné que je vous oriente, ça dépend quand même ce que j'ai envie de faire. Ouais, t'arrives à mettre ta petite touche, quoi. Mais ça va. Est-ce qu'en général, il y a des gens qui te disent, vas-y, Dom, carte blanche, fais-toi plaisir. Oui. C'est génial. Ça c'est possible, oui. Ça c'est possible. Après, bon bah. Normal, je suis obligé quand même de poser des questions. Souvent, je vais demander vos allergies, ce que vous ne mangez pas. Et puis après, je vais moi réfléchir à un menu. Soit vous le découvrez sur place, ou soit je vous l'envoie avant, vous validez. Et puis après, on y va. Bah, c'est génial. Voilà. T'as été déjà dans beaucoup de familles comme ça? Non, c'est pas ce que les gens aiment bien savoir quand même, ce qu'ils ont mangé, quand même, parce que il y a des gens qui ont un peu peur de l'inconnu. Donc, je fais goûter des choses, par exemple actuellement l'ail des ours. Ah oui. C'est la période là. Je marie l'ail des ours avec du chocolat. Ouh. Donc là, on m'a regardé comme tu m'as regardé, ouais, c'est ça. T'as pas entendu Jean à côté qui fait waouh. Mais c'est drôle. On peut mettre de l'huile d'olive avec, on peut mettre pas mal de choses. Génial, tu m'étonnes. Est-ce que justement tu fais des essais de recettes, genre dans un labo, tu t'enfermes pendant des jours? Alors c'est pas comme ça que je fais. C'est que j'ai la chance de pouvoir accéder ou des amis sympas, je sais pas, qui me prêtent leur maison. Ah. Et donc c'est comme ça que je peux faire des essais, parce que normalement vu que je travaille chez les gens. Forcément, bon bah voilà, comme ça je vais quand même chez les gens, mais ils me prêtent leur maison. Et puis on fait des shootings photos avec Christelle Viry. D'accord. Qui est là depuis très très très très très longtemps. Ouais. Qui m'aide aussi pour tout ce qui est donc photos et puis aussi articles. Génial. Tout ce qui est communication en fait. Ah bah c'est super d'avoir des collaborateurs comme ça. Ouais. Ouais, ça va, j'ai des amis qui sont sympas. Qui travaillent bien surtout. Mais ouais, de vrais professionnels. C'est quoi ta recette, la recette à Dom, ta recette de prédilection, celle que tu préfères faire? Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est l'onglet de bœuf sauce pain bêche. Parce que c'est étonnant. Mais carrément. Parce que c'est étonnant, il y a 2 ans, j'avais fait ça avec la fouillotte aussi. Ouais. Avec leur single up, on avait essayé de faire, mais là c'était du porc. Et puis cette année, je me suis dit pourquoi pas. Avec la pain bêche, il a des super bons produits, donc faut essayer. J'ai essayé de le faire au foin aussi, donc fumer l'onglet au foin, ajouter la sauce pain bêche avec, enfin la faire mariner déjà aussi avec la bière légumes. Et puis après je fais ma sauce un peu à côté avec des oignons, de la bière, un peu de crème. Mais ça je le fais généralement en direct à la ferme aux herbes, aux hirondelles pardon. Oui. Je le fais là-bas. Je confonds avec la ferme aux herbes parce que c'est quelqu'un que j'achète aussi des produits à sa poêle. Mais ouais, tu dois connaître énormément de monde là. Pas mal un gros réseau là de producteurs. Un petit peu. Bah ouais, carrément. Tout dépend les produits qu'on veut, mais oui, un petit peu. J'ai la chance d'avoir quelques fermes quand même dans le coin. Bah on a de la chance. Oui. Voilà, et puis des fermes aussi de famille, comme la ferme Curien à la Bresse. Donc ils font que du fromage. Oui. Après il y a d'autres fermes. Je vais aussi au Petit Gravier à Saulsur, ceux qui ont fait le confiné. Oui. Donc eux c'est steak beaucoup. Pour les burgers, fromage aussi. Cette année, pour les légumes, on a un nouveau truc. C'est au Val d'Ajol. En fait, c'est quelqu'un qui fait de la permaculture. Ah, tu veux dire une figue dans le poirier? Comment? Une figue dans le poirier? Les jardins de Bernadette? Ah non, du tout. Ah, écoute. Non, en fait, à la base, c'est quelqu'un qui faisait son petit jardin tranquillement. Et puis, après, il s'est dit, je vais essayer de vendre le surplus. Et puis aussi d'avoir un côté éducatif. Ouais. Donc elle s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle va essayer de faire venir les gens dans son jardin pour essayer un peu de leur expliquer comment ça fonctionne. Et on peut le faire sans engrais, avec que des choses naturelles. Donc on va lancer ça cet été. Ouais. Et s'appelle chez Tatanat. Chez Tatanat, c'est génial. Ça. Exactement. C'est génial. Et, tu sais, du producteur à l'assiette, il y a un truc à faire là-dessus, là. Ouais. Ben, c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Et tu m'en parlais en off, sûrement au camping du Mété, où, oui. où se déroulera un petit peu cette. Ah oui, parce que Eric, donc qui s'occupe du camping, il a pas mal d'idées. Donc, on essaie de changer un petit peu chaque année. Ouais. Ces deux dernières années, j'y allais une fois par semaine, donc avec un peu de troubadours, de gens qui jonquent, qui font un peu de musique, un peu de feu aussi le soir, donc chaque fois enflammé, tout ça, pour donner un peu d'animation. Et puis cette année, on s'est dit pourquoi pas essayer de donner des cours de cuisine. Donc maintenant, je vais y aller deux fois. On va faire ça en plein air, vraiment avec le strict minimum. Donc ce qu'on a quand on est au camping, et puis on va essayer d'allier petite randonnée pour vous faire passer aussi vers les artisans qui sont proches, qui vous permet aussi de récolter des légumes ou des bières ou de la viande, et puis le soir on revient avec, et puis moi je regarde, je me dis bon on va essayer de faire quelque chose avec, et des plats améliorés en fait. Oui, les plats du camping, voilà. Simples, rapides, efficaces, mais en améliorés. Voilà, en peu de temps, parce qu'on n'est pas là non plus pour passer trop de temps en cuisine quand on est en vacances. Ben, c'est vrai. Et puis voilà, donc ça ce sera cet été au camping du Mété. Mais que de bonnes idées, tu viendras nous reparler de tout ça, on se tiendra au courant surtout. Si vous voulez encore manger quelque chose. Ah bah bien entendu, cette émission elle passe à toute vitesse, hein. Il est midi 47, moi j'ai envie de te garder toute l'après-midi, mais je peux pas. J'aurai pas assez à manger de toute façon. Non mais pas pour manger, je t'assure, je ne suis pas vénale. Nous allons dans quelques instants se faire dépoussiérer, oui ça va être le moment du slam endiablé de l'ami Big V, juste avant. Eh bien, je te sors un son, hein, histoire de pouvoir l'appeler. Do It Till You're Satisfied de BT Express. Voilà, un petit remix. On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. On est sur Radio Guémozou, on se fait bien plaisir, on a eu le temps de manger un petit bout du dessert, miam miam, que c'était bon. Tout ça grâce à Dom, et je te remercie encore, j'ai pas fini, hein. Je pense que je vais te remercier très longtemps, et mon ventre aussi. Mais il me semble que j'entends quelque chose, c'est un fredonnement familier. Big V, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs et auditrices. C'est pas sympa de nous faire miroiter comme ça par téléphone via... Je suis désolée. Vous entendez manger, c'est un peu comme regarder un film érotique sur RTL9. Voilà, Dom, c'est vraiment pas sympa, tu le sais très bien ce que tu fais, c'est pas honnête. Salut Big V. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ah bah écoute, je suis affamé, mais enfin c'est pas grave, on fera ça, on se passera de ta cuisine. J'ai pas parlé de ton burger encore, mais ça va venir. Ça va venir. Ah, formidable, formidable. Il est frustré, Big V, il devait être dans les studios, voilà, on n'avait pas la place, on a des restrictions un peu, voilà. Ouais, puis ça coûterait trop cher après, à la période aussi, oui, je comprends. Ouais. Mais il me semble, voilà, que tu nous as préparé un petit quelque chose. Une petite bafouille que j'ai fait mijoter aussi savamment pour vous, messieurs, dames. Alors, Dominique, si tu m'entends, j'ai quelques mots à t'adresser, s'il te plaît. Dominique, quand je t'entends, écoute, tu le sais, hein, semblerait que j'ai toujours faim, donc par pitié, faxe-moi ta carte et les clés de la cave à vin. Dom, je sais bien que je suis bonne patte, mais ne joue pas le coq en vin. Mais c'est quoi ce bon dieu de virus qui veut affamer les siens? Je crois que je préfère encore le typhus, au moins avec lui, on mange toujours à sa faim. Hey, Dom, tu me connais, hein, ça peut vite finir en drame si je n'ai pas le ventre plein. Appétit gargantuesque et dernière scène qui n'a pas de fin. Va prévenir toute ta brigade et qu'on rappelle tous les commis. Garde à toi, petit marmiton, moi dans l'assiette je veux pas de conneries. Non, Dom, pas d'ardoise et pas de douceur, ce sera le bal des calories. Rien à foutre du Weight Watchers, moi je suis comme Caradoc, je veux du gras au fond du lit. Une grande bouffe des plus macabres, Dom, à ma table c'est Ferreri. Il y aura pas de Cyril Lignac, non, mais plutôt un mannequin Pix. Mais si, vous savez, c'est le chef des 12 travaux d'Astérix terrassé par Obélix. Car si jamais je squatte en terrasse, mon petit Dominique, ou que je dors devant ton stand, ben je fais pas une belle vitrine. Voir ma panse de dégueulasse, honnêtement, plus vendeur comme délire. J'adore ton Clappy Hour et un gros Big V Burger pour me taper les invendus. Dom, s'il te plaît, décogèle-moi tout ton stock, moi je connais pas le périmé. Sur ma table, un seul mot d'ordre, et ça tu le sais, on veut tout en quantité. Moi, j'appelle même pas ça durable, j'appelle ça continuité. Tu le sais très bien, Dom, un repas sans mal au ventre, je crois que c'est pire qu'un panaché. Mais pour toi, ta cuisine, ben c'est vraiment la panacée. Je pourrais tout grailler des heures, j'en aurais jamais assez. Sur ta carte, je peux pas choisir, donc donne-moi tout ou fais-moi un panaché. Comme une façon de rendre honneur à ces bons produits que tu prends plaisir à chaque fois à dénicher. Je crois bien que la gastro d'homme finira par m'envoyer au bûcher d'un putain de nutritionniste qui me dirait comment manger. Moi, je répondrais qu'on peut se baffrer de plaisir simple et qu'il n'y a aucun mal à ça. On peut dire que c'est sans danger. Ben oui, la bonne bouffe, c'est aussi très bon pour toi. C'est qualité certifiée. Alors, empressez-vous dès maintenant, puis commandez des petits plats qui n'ont pas trop d'ambition que de simplement vous régaler. Dom, t'es notre Joël Robuchon, en plus terroir, plus gourmand, et aussi bien plus stylé. Merci et bon appétit à tous. Waouh. Ah bah merci. Si t'as Big V à ta table, il est encore là. Oui, il est encore là, Bah oui, si t'as du Big V à ta table, sors du lard, pas du bon goût, tu le sais, Dom. Tu le sais, hein. Il me semble que vous avez une action en commun, tous les deux, Food Not Bomb. Food Not Bomb, dimanche. Oui, c'est ça qu'on aura bah, peut-être l'occasion de venir représenter, mais effectivement avec Dom on s'associe et d'autres amis au sein d'un collectif pour distribuer des repas tirés un peu de maraude auprès des différents distributeurs alimentaires du bassin de Remiremont pour distribuer entre guillemets des repas gratuits végétariens dans l'espace public. C'est une fois par mois donc tous les derniers dimanches au kiosque du Tertre à Remiremont. Voilà, tous les derniers dimanches, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite sur les ondes de Guémozo. Et dimanche, je crois que dimanche qui vient, c'est le dernier dimanche. C'est dimanche prochain, ouais. Le dimanche 25, voilà. Effectivement. C'est donc ça. Donc n'hésitez pas, à partir de 12h30, à venir aussi pour notre Food Not Bomb au Tertre à Remiremont, pour venir profiter d'un repas gratuit, végétalien, et voilà, pour et tout le monde. N'oubliez pas votre masque aussi. Bien sûr. N'oubliez pas votre masque, bien sûr. Bien évidemment. Bien entendu. Super, ça, tous les deux. Jean, t'attends de pied ferme, Big V, pour parler de tout ça avec toi, entre parenthèses. Très bien. Comment ça se passe, le burger Big V? C'est Big V qui t'a soufflé l'idée, c'est... Oui, parce qu'en fait, ce qu'il a dit, c'est pas faux, hein, ce qu'il a dit tout à l'heure quand même, Sam. Donc, un steak, ça suffit pas. Effectivement. Voilà, je me suis dit deux steaks, ah peut-être pas deux steaks, on va essayer de faire quelque chose. Donc je fais des râpés à la tartiflette. Ah oui, je confirme, ouais. Ouais. Donc en fait, il y a un steak dans son burger, il y a du fromage, deux râpés. Donc à la tartiflette, donc il y a tout ce qu'on a dans une tartiflette dedans. Oui. Et tout ça c'est enroulé de lard. Wow. Donc ça fait comme si on avait deux steaks l'un au-dessus de l'autre. Tu me plais, d'homme, quand tu dis ça. Sauce fromage, bien sûr. Oignon confit grenadine. Salade tomate, c'est pas trop pour lui, mais bon, on le met quand même. précise peut-être pour les auditeurs qu'il faut une ordonnance pour le commander, celui-là. Celui-ci, en général, faut avoir quand même faim. On est obligé de le couper un peu en deux parce que on n'arrive pas à le manger directement. Et puis c'est aussi grâce au pain, parce que la boulangerie Perrin à Vanier, elle fait du bon pain. Que des bons produits. Donc voilà, c'est que des bons produits. C'est du Big V. Ouais. Donc faut pas hésiter. Ça, en général, c'est une valeur sûre, autant que le fondu Crew Burger. Oh, ah oui, il y a un fondu Crew Burger. Il y a un burger fondu Crew aussi. Voilà, bien sûr. Parce que Big V est partout, donc. Ça oui. Donc il y en a un qui est différent parce que celui-ci, il est au sésame, enfin poulet sésame. Génial. Voilà. Waouh, que d'inspiration. Mais on refera peut-être quelque chose aussi cette saison avec le fondu Crew ou avec Big V, je sais pas, faut encore qu'on. Super. On verra bien. Super, merci. Tu me donnes faim quand tu dis ça. C'est pour ça en fait qu'il est fâché, tu sais, au téléphone, il me dit ouais, c'est pas très sympa, je peux pas faire ça en direct, mais en fait, il voulait manger, le gars. c'était dans l'idée. Hein. Oui, j'étais grillé en fait. Big V par définition. Ah merde, ça se voit, mince alors, mince. Merci beaucoup, Damien, d'avoir été. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et restez fidèles et continuez à consommer local, oui. Et faire vivre les artisans, oui, locaux. Et à écouter, bien sûr, 107.0, c'est la station qu'il vous faut. Ah ben voilà, super, j'espère qu'on se retrouvera bien vite. Exactement. Gros. Merci à tous les auditeurs et bonne fin d'émission à vous. Oui, gros bisous, à bientôt. À bientôt, bisous. Ben voilà, c'était sympa cette petite intervention-là. Hein, ça t'a fait plaisir. Oui, c'est sûr. C'est souvent sympa avec lui, de toute manière. On aurait bien voulu qu'il soit là, ça c'est sûr. Mais j'espère que bientôt tout ça, sera derrière nous et qu'on pourra se réunir enfin tous ensemble. Alors, on a parlé un petit peu de matières premières. Et justement, en parlant de ça, c'est le moment de ma pochette surprise. Alors, toutes les semaines, je te propose dans cette pochette surprise, auditeur, un mot, une expression qui sort de l'ordinaire. Piochez sur la page FB, le bulletin logo noir que je t'invite grandement à aller retrouver parce que c'est de la good vibes en barre. Je sors de ma pochette surprise, hein, mais bien entendu, Dom, est-ce que tu connais le Kazumarzu? Peut-être que je le dis mal, peut-être c'est Kazumarzu, mais je pense que c'est plutôt Kazumarzu. Alors là, comme ça me dit pas grand-chose. Eh bien, bon appétit. C'est un fromage italien, mais rien à voir avec les succulents et luxueux mozzarella, di bufala, mascarpone ou encore autre ricotta. D'ordinaire, lorsque votre nourriture grouille de mouches vivantes, eh bien, vous la jetez au plus vite. Mais sur une île italienne, les asticots font partie intégrante d'un mets si dangereusement délicieux qu'il est illégal. En Sardaigne, eh bien, les habitants de la région raffolent du Kazumarzu, un fromage au lait de brebis à pâte dure qui est d'abord laissé en extérieur pendant 3 semaines environ, juste à temps qu'il soit recouvert de mouches à fromage. La croûte du fromage est coupée pour les encourager à entrer. Les mouches pondent alors leurs œufs dans le fromage qui est ensuite stocké dans un endroit sombre et frais pendant 3 mois environ pour permettre l'éclosion des vers. Quand ils le font, l'acide de leur système digestif décompose le fromage à pâte dure en le rendant mou et même légèrement liquide. Vous voulez goûter? Eh bien, assurez-vous de bien mâcher les asticots avant d'avaler car les organismes vivants peuvent survivre dans l'intestin et causer des douleurs et des irritations. Ça serait dommage. Bon appétit. Bien sûr. Ça, je ne connais pas ce produit. Est-ce que tu as déjà cuisiné dans d'autres pays? Je crois qu'on en a parlé brièvement, des recettes improbables, par exemple. Des recettes improbables. Des recettes folles avec. Bah, tu nous parlais quand même des insectes tout à l'heure, par exemple. Hein. Oui, après c'est ça, ça devient courant quand même. C'est improbable. Oui, c'est vrai. Ça a quand même un bon goût. Et je pense que c'est surtout la barrière visuelle. Oui. Qui fait beaucoup, mais après quand on a goûté, vaut mieux les verres de farine que les grillons parce que les grillons ça reste un peu entre les dents. Ouais. Donc c'est moins pratique. Mais non, sinon j'ai appris à faire des nanes. Ouais. Parce qu'on avait des gens, une carte éphémère. Donc tous les mois, des gens de chaque pays qui venaient nous apprendre quelque chose, une spécialité ou quelque chose de chez eux. C'est comme ça en fait que j'ai pu découvrir pas mal de cuisine. Donc ça c'était du côté de Monaco, il y a déjà pas mal de temps. Et donc ouais, je faisais des nanes. D'accord. Ça ouais, on a appris. Après qu'est-ce que... Je fais pas mal de wok aussi. Ouais. Parce un petit peu asiatique tout ça. Oui, pas mal de choses, ouais. Oui, pas mal de choses asiatiques quand même. C'est très très bon. Quand même. Si je te demandais de nous transmettre là tout de suite une recette simple, efficace à faire à la maison, est-ce que tu aurais ça en stock dans ta tête? Ouais, dire recette simple, rien n'est compliqué en fait. Hein. Je sais pas. Ou un petit truc pour améliorer son plat, tu sais. Un petit secret de chef. Je sais pas, tu préfères quoi, sucré ou salé? Peu importe, c'est toi qui choisis. Tu m'as dit sucré tout à l'heure. Sucré, bah, un truc simple. Justement, tout à l'heure, on parlait de la ferme aux herbes. Ouais. Ils ont des choses exceptionnelles là-bas, parce qu'on a un sirop de sapin, qui est pas mal. D'accord. Avec ce sirop de sapin-là, il y a aussi une liqueur de sapin qu'on peut utiliser pour faire du caramel. D'accord. Donc, on peut l'utiliser autant en salé qu'en sucré. Donc, le sirop, j'utilise en salé parce qu'en fait, ça me permet de, ça peut me confire les oignons, comme on parlait tout à l'heure. Oui. Alors ça, les oignons confits à la grenadine. Là, c'était grenadine. Oh, c'était génial. Mais on peut le faire aussi au sapin. Ouais. C'est assez simple en fait. Faut juste faire réduire. Après, sinon, on peut l'utiliser pour faire déglacer. Donc, on fait un caramel. Comme un caramel liquide. D'accord. Et puis, quand le caramel est bonne couleur, quand il est blond, après, on met l'alcool dedans. Donc, de sapin. Pas trop d'en faux, bien sûr. Et donc, ça nous fait un caramel qui a un goût de sapin, qui est assez, assez spécifique. Et c'est vrai que ça donne quelque chose en plus, parce qu'on l'a en arrière-goût, en fait. On peut faire ça. Après, on peut faire des légumes en couscoussière, par exemple, avec du thé. Ah, génial. C'est quelque chose qui est simple aussi. C'est comme une cuisson vapeur. Donc, on fait nos petits légumes et tout. On cuit ça. Et puis, en dessous de notre petit panier, on va mettre donc de l'eau avec du thé. Le thé qu'on veut. Ça peut être oriental, ça peut être ce qu'on veut. On le laisse cuire le temps de cuisson habituel. Et après, quand on va le manger, on va avoir donc, si c'est une carotte par exemple, on va avoir le goût de la carotte, la texture de la carotte. Et pareil, on va avoir quelque chose qui va arriver derrière, ça va être le goût du thé qu'on a mis dans l'eau, qui va rentrer dans notre produit. Et ça, c'est quelque chose, une saveur qu'on peut ajouter en plus, comme ça. C'est pas grand chose, mais ça donne un petit goût en plus. Oh, c'est super. Est-ce que tu ferais une chronique culinaire pour moi sur Radio Gémozo? On peut donner des recettes. Après, c'est des choses à voir, pourquoi pas. On en reparle. 13h06, moi j'ai envie de rester toute la journée là, mais c'est pas possible. C'est quoi tes projets pour plus tard? Est-ce qu'il y a des grandes choses là à venir pour toi? Il y a quelques petites surprises quand même. On essaie de préparer quelques petites surprises pour l'été. Après, dès qu'on pourra, que les mesures sanitaires le permettront, retour sur Remiremont. Alors, je mettais un stand une fois par semaine à Remiremont. D'accord. Donc, c'est le middle food qui me faisait venir. Ok. Donc, là, j'ai arrêté parce que, bon, bah, forcément, c'est plus compliqué. Et puis, dès que les terrasses pourront ouvrir, donc, je serai là une fois par semaine. Avec une carte éphémère, comme d'habitude. À Rue sur Moselle aussi. Oui. Toujours. Une fois par semaine, comme l'année dernière. Donc, avec une carte éphémère, toujours aussi, au rustique. Après, du coup, il y a le camping du Métel. Et oui, oui, oui. Et puis, je vais essayer de laisser un peu de place pour les événements. Parce qu'il y a quand même une association qui s'appelle Invo Juif Trust. Oui. Et si on peut, on va essayer de faire des événements. Oui. Notamment un événement qui nous porte un peu à cœur parce que c'est un peu en hommage de notre président. Bah oui. Rudy Noël. Donc on va essayer de faire un petit événement aussi cette année, si c'est possible. Pour l'instant, bon, forcément, on n'a pas de date, étant donné qu'on peut rien faire. Oui, oui. Mais voilà, j'ai gardé la place dans mon emploi du temps pour ça, et puis continuer les marchés, toujours, à faire mon hirondelle aussi, Tchéfos, plus en mode démonstration, tout en pouvant super acheter des plats, et puis en faisant évoluer un petit peu ma carte avec les produits qu'on peut trouver aussi génial dans le coin avec les artisans. Génial. On peut commander pour manger ce que tu prépares? Alors, ou est-ce qu'on te retrouve sur place? Alors actuellement, en fait oui, on peut commander, c'est même mieux de commander. Oui. Actuellement, je fais des livraisons vendredi soir, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Ah oui. Donc, sur commande. Ouais. Sur quel périmètre? Je vais pas souvent sur Miremont. Pas d'accord souvent, parce qu'il y a déjà beaucoup de restaurateurs, il y a beaucoup de oui cuisines déjà. Donc je pense que vous pouvez tous trouver votre bonheur. Mm-hmm. Là, je me suis plus concentré sur la Bresse. Ok. La Bresse, Cornimont, Saulxures, Vanier. Je fais un peu Basse-sur-le-Rue parce que je travaille avec des gîtes. Ouais. Qui sont du côté de Basse-sur-le-Rue, La Bresse. Donc je vais aussi faire des livraisons là-bas. Mais de préférence, faut réserver. Ok, ça se passe où la réservation? J'ai un site internet. Ok. Et bon, de toute façon, je vais vous donner un peu tout et puis il y aura, pour avoir un lien. Sinon, il y a un numéro de téléphone. Ok. Une adresse mail. Voilà. Et puis après, bon, bah, je vous réponds sans problème. Et puis si vous voulez manger quelque chose que je n'ai pas à la carte là maintenant, le fait de réserver, ça vous permet quand même de l'avoir. Super. Sur Facebook, c'est la gastronomie Adom, tout simplement. C'est ça. Le site internet https la gastronomie Adom itbu.com et par mail gastronomieadom@gmail.com. Vous ne pouvez que trouver. On remettra tous ces liens avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. N'hésitez pas, vous allez vous régaler. Un mot pour tous les jeunes qui souhaitent devenir chef. un mot, c'est pas assez. Une phrase. D'accord, je pense passion. Ok. Un mot passion, je pense. Créativité aussi. Et puis, après on sort plus tous les samedis soirs, quoi. Ben. Vous y pensez, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non. Sinon, après, passion, créativité, et puis quand on aime, y a pas de raison. Quand on aime, on compte pas. Ouais, c'est un peu ça. Et faut pas oublier que, nous, notre hobby, c'est le produit. Voilà. Ah bah c'est beau ça. Ça c'est okay. Beau. Saveur locale, nous on a tellement aimé tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, on te souhaite plein de bonnes choses. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Tout dépend du Covid, hein, donc je pense comme tous les restaurateurs qui sont comme moi actuellement, qui attendent que les choses se débloquent, je pense surtout qu'il faut lui souhaiter que l'État fasse pour nous ouvrir les portes, surtout. Oui. Surtout, parce que je pense que il faut plus que ça, parce que les idées, tous les restaurateurs, ils ont des idées, les traiteurs aussi, et il n'y a pas que nous, il y a tous les gens qui sont autour de ce monde-là, on a des accompagnateurs en montagne aussi, qui peuvent plus forcément travailler, donc pas forcément que pour moi, mais pour tous les acteurs. Il faut ouvrir les portes. Bien sûr, c'est un moment vraiment délicat pour toute cette profession et tous ceux qui s'y rattachent. On a vraiment, on vous envoie plein de bonnes choses, on de grosses forces, du soutien, et j'espère que voilà, vous pourrez retrouver votre activité et tout ce qui vous fait vibrer très vite. En tout cas, voilà, des gros bisous et beaucoup de soutien, de force à tous. Bah, cette émission, elle est déjà terminée avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, quand on aime, on compte pas, tu l'as dit. On reviendra au pire. Voilà, on reviendra. Elle sera rediffusée jeudi à midi pile et sera podcastée sur notre page et profil Facebook. Merci beaucoup, Dom, pour ce moment très agréable. Ben, merci à vous. J'espère que t'as apprécié, toi aussi. Et merci. Voilà, si t'as pas eu le temps de dire plein d'autres choses. Moi, j'ai des choses à dire, j'en ai plein. Bah, voilà, c'est ça. On fera plein d'autres émissions et puis réfléchis pour la chronique. Ça se joue, ça se tente. Je vais te pas travailler. De problème. Pas de problème. On fait une recette par semaine, si vous voulez. Ça, c'est bien, ça. Je prends. Allez, gros bisous, auditeurs. Prends soin de toi. Reste bien à l'écoute de Radio Guémozo. Prends soin de toi. Prends soin des autres. Kiss. Just to love.